et pas toujours fait ce qu'il faut. J'ai promis des choses, mais les actes ne suivent pas les mots. Faut m'excuser. Tout soustrait repartir à zéro. Ne me laisse pas devenir l'homme qui n'affronte pas ses défauts. Je vais tout assumer. Ne me dis pas qu'il est trop tard pour revenir. Et si l'histoire ne te plaît pas, on va changer de livre. Lève la tête, regarde-moi, on va s'en sortir. Et dans tes yeux, je peux voir notre avenir. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi une seconde chance. Une seconde chance. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi une seconde chance. Une seule. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seule chance. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi une seconde chance. Te perdre, c'est risquer de tomber de haut. Je ne peux plus voler avec une seule aile dans le dos. C'est peut-être pas la dernière fois que je faute. Mais prendre un mur parfois, je te jure, c'est tout ce qu'il me faut. Ça va pas durer. Laisse-moi faire le premier pas pour revenir. Et si l'histoire ne te plaît pas, on va changer de livre. Peut-être regarde-moi, on va s'en sortir. Et dans tes yeux, je peux voir notre avenir. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi une seconde chance. Une seconde chance. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi une seconde chance. Une seule. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seule chance. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi une seconde chance. Sans faille n'existe pas. Oublie tout, laisse ton cœur parler. Oh, yeah, tu es tout ce qui compte pour moi. Donc j'ai laissé mon cœur parler. Oh, yeah. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi une seconde chance. Une seconde chance. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi une seconde chance. Une seule. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seule chance. Donne-moi, donne-moi, donne-moi.